Gloire Ntsai, Crédit Lyonnais, Izzy c'est Tola, le mystérieux. La tienne est sur moi si un jeu, et l'obélie à l'issebo sangani. Nami bongi si kito konetindo qui a raté vol. Et robora va désir na yo photo passe pour ébimine l'unga moto mon sous yangate. Bienvenue Kimbunda, la maman de Mégane. Et Lilian Ntsai. Est-ce que ça te faut comme y engager? Topé ou so qui ma monotonie. Ba plan répété à bolingo le comme y expiré. Si me fatigue à boloko pour foutre un yongo. Oyanzoko bébé tima. Stella Mbombolo, Elin Ntsai. Dalia Clérébao. Mon con a somi na pesa yo pasteur. Ma pambole devient soto nana. Et qui kopo y sana mobilengi et paye mbata. Sale la ma maria lo sakwe paye. Awa bolingo e comme linga pomba. Papi roi défilé. Fanny G3, Claude Kimbunda, Mariam Takia de Bamba, Montana Mutoke, Jean-Si Manoka. Gilles Kiala, Erika Sereka. La Franck et Kilaï. Tika e boka, et salamo salana mona pondu. Botika motute, salamo salana mona liboka e. Botika ngai na mapoko, gloire na sepe la poisse e ngai. Propriété privée, tant pis pour les jaloux. Stella Kodia, la chaussure qui part. Malade à bibi, à ta pédiatre et ta tonakae. Équation à l'ove, tout ce qui m'a pris à compliqué. Conseil na lobe, tout soka kaka pweza complément. Isis na linga kande molo bela kanai. Gloire Ntsai kitokwe. Lucas Tola. Sentima wana vremo lobe kitokwe. Boris Tola. Na moto mwino na zo vivre amour mindele. Seko komi Suisse. Pe hospitaliere bolingo na neza li gloire. Gloire Ntsai. Isis Tola Junior. Sala kine ki yango mote kaboli famille. Shadrack Tola. Mandoko babula. Ayaya balula, ma voisin balula, na moko mokolobo, na moko mokolobo. Sarsisto la. Ta nres na ngane mera lingaka, pa matabakita, na moko mokolobo, na moko mokolobo. Rachel Salayambo. Mokolo, zambake la kaifai, alali saka damu, pongi poe, yebisa yevai. Ampereur Eric Tolae. Mokolo, zambake la de chibambe. Alali saka tola pongi poe sinalingai. Linda Grace Union. Mobali banga jake na motema bomoko. Mobali akola kate pondela eloko la bebe. Fiston Kass. Denge na versaka yo. Machua. Pesa moninga tamwa bizu. La wabita bolingo. Susi eki makanzo totu. Izi se tola na linga kanengo yembela kanga. Kamesa ita la nasima. Stella Bongeli. Tosa mise bilengi na abiso. Nganele preme ya bafidela mona teo moko yebi. O confirma, yo moko yebi. O confirma, izi se tola. Le vie Roger Lukaku, Mama Pelagie. Isala kine ki yango mote kaboli fami. Ah bon? Banoko balula. Baondele. Bayaya balula. Bafwaze balula. Namoko mokolobo. Namoko mokolobo. Hey! Papa George Tola. Tanres na ngane mera lingaka. Mama tabakita. Namoko mokolobo. Namoko mokolobo. Kevin Sumula. Vomi na sango na moike na sanga yuna butu. Na kobanda kobanga ta elili oyanga moko. Telema pardon yaka toloveko chéri. La muka s'il te plaît. Foni Andrique. Zambe kela yo. Zato sa remplaça. Zambe akela Gloire Ntsai. Zato sa remplaça. Zambe akela Izizi Tola. Zato sa remplaça. Nika le padre Ferigola. Sabatino Wembo. Vomi na sango na moike na sanga yuna butu. Na kobanda kobanga ta elili oyanga moko. Telema pardon yaka toloveko chéri. la mouka s'il te plaît. Blanchard Kilombo Zapa Kilayo Zoto sa remplaça Cédric de Tokyo, Eric et Mandala Zoto sa remplaça Honorable Alain Boyika Zoto sa remplaça Evelina Bofosay Libabi Nalo poto ba bengi male chasse Fofo Kaloji Tandance Nalo poto ba bengi male chasse Sa fe se kana opirige kakali kome Bado se tuna zo koti sa ya bolimo kakaba revocation Anza mena le mwa kanganga na molangi Matimu le lero milion Kitoko nyo soma mabote la neke na wapi Emedo Sambie Bolimo yebe takali bene Tati Vita Kanta yala la zemi ya bilamba Nono kanika Benga nga otuna nga weba ninye komelinga Elo kwa libo sofo yebao Jezi matere ya bolingo Yango basale la kakambongo Po yango yebo makabato Motole maka bolingo te Jil savananga So kiko kwa solula ya ye Mpaka kwanga na zanga kolula molongani Amore ye mbisi nga nzembo aba bebe Ya nike kayenga ye Do do do mama na do do Biju Kenzo Mbui Yeah mama na do do Sala kiteki yango mote kaboli fami Banoko badula, bayaya badula Bafase badula, mamoko mokolobo Eritse binga, mamoko mokolobo Kovo mambweni, boss Sanres nangane meralingaka Mamata bakita, Yves Kongolo Suisse Mamoko mokolobo, mamoko mokolobo DJ Love en français Papa Jean-Pierre Kumbela